Chapitre 372. Ce qu'Allah a préparé pour les croyants au paradis. Allah Ta'ala dit: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. Udkhuluha bisalamin aminin. Entrez-y en paix et en sécurité. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères faisant face les uns aux autres sur des lits. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Nulle fatigue ne les y touchera, et on ne les en fera pas sortir. Sourate 15, versets 45 à 48. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. Sourate 43, versets 68 à 73. Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. C'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Ils y demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. Ils n'y goûteront pas à la mort sauf leur mort première, et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. C'est là une grâce de ton Seigneur, et c'est là l'énorme succès. Sourate 44, versets 51 à 57. Les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Que ceux qui convoitent ceci entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. Sourate 83, versets 22 à 28. Les versets concernant ce chapitre sont nombreux et bien connus. 1880. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les habitants du paradis mangeront et boiront, mais sans avoir à aller à la selle, à se moucher ou à uriner. Leur nourriture sera digérée sous forme de roux dont l'odeur sera celle du musc. Ils glorifieront Allah et proclameront sa grandeur, tout comme ils respirent. Muslim. 1881. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah Ta'ala a dit: j'ai préparé pour mes adorateurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun être n'a jamais imaginé. Lisez si vous voulez les paroles d'Allah. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de leurs œuvres. Sourate 32, verset 17. Al-Bukhari et Muslim. 1882. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les premiers à entrer au paradis seront à l'image de la pleine lune, et ceux qui les suivront pareils aux plus brillants des astres. Plus besoin pour eux d'uriner, d'aller à la selle, de cracher ou de se moucher. Leurs peignes seront en or, leur sueur sentira le musc et dans leurs encensoirs se trouvera du bois odorant. Ils auront pour épouse les houris, femmes aux grands yeux noirs promises aux croyants au paradis. Et ils ressembleront tous à leur père Adam, haut de 60 coudées. Al-Bukhari et Muslim. D'après une autre version d'Al-Bukhari et Muslim, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: leurs récipients seront en or et leurs sueurs faites de musc. Chacun d'eux disposera de deux épouses si belles que la moelle de leur tibia apparaîtra à travers leur chair. Ils seront unis, ne connaissant ni dissension ni haine, et ils glorifieront Allah matin et soir. 1883. D'après Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Moïse, alayhi salam, interrogea son Seigneur: qui, parmi les habitants du paradis, occupe le rang le plus bas? Il répondit: un homme qui viendra après que tous les habitants du paradis y furent entrés. « Entre au paradis, lui dira-t-on. Ô Seigneur, s'étonnera-t-il, comment, alors que tous ont pris place dans leur demeure et ont reçu la part qui leur a été attribuée? Serais-tu satisfait de posséder un royaume identique à celui des rois de la terre ? Lui demandera-t-on. J'en serai satisfait, mon Seigneur, répondra-t-il. Tu auras cela, et son équivalent, et son équivalent, et son équivalent, et son équivalent, dira Allah. Je suis satisfait, mon Seigneur, dira-t-il à la cinquième fois. Et tu auras cela, et 10 fois son équivalent en plus, ajoutera Allah, ainsi que ce qui satisfait tes désirs et réjouit tes yeux. Je suis satisfait, mon Seigneur, répétera-t-il. Moïse, alayhi salam, demanda, qui donc aura le plus haut rang? Allah dit, ceux que j'ai élus, et pour lesquels j'ai moi-même préparé les honneurs dont ils jouiront à l'abri des regards. Honneur qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucun être n'a jamais imaginé. Muslim. 1884. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, je connais le dernier des habitants de l'enfer à en sortir et le dernier des habitants du paradis à y entrer. Il s'agit d'un homme qui sortira du feu en rampant. Va et entre au paradis, lui ordonnera Allah Azza wa Jal. Il ira et pensant à tort que le paradis est plein, il reviendra et dira, ô Seigneur, il n'y a plus de place. Va et entre au paradis, répétera Allah Azza wa Jal. Il s'y rendra à nouveau et s'imaginera une nouvelle fois qu'il est plein. Il reviendra alors et dira de même, ô Seigneur, il n'y a plus de place. Va et entre au paradis, ordonnera Allah Azza wa Jal pour la 3e fois, avant d'ajouter, tu y recevras l'équivalent du bas monde et 10 fois autant. Te moques-tu de moi, toi qui es le roi ? Dira l'homme. Le narrateur dit, je vis alors le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sourire au point de laisser apparaître ses molaires en disant, il s'agit de celui des gens du paradis qui a le rang le moins élevé. Al-Bukhari et Muslim. 1885. D'après Abu Moussa, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, il y a au paradis, pour le croyant, une tente faite d'une seule perle creuse, haute de 60 000. Le croyant y aura des épouses qu'il visitera sans que les unes voient les autres. Le mille, distance proche de 2 kilomètres. Al-Bukhari et Muslim. 1886. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, il y a au paradis un arbre, sous lequel le cavalier monté sur un cheval élancé et rapide après avoir subi un régime spécial peut chevaucher 100 années sans en dépasser les branches. D'après la version d'Abu Huraira, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, il y a au paradis un arbre, sous lequel le cavalier peut chevaucher 100 années sans quitter son ombre. Al-Bukhari et Muslim. 1887. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, les gens du paradis apercevront les occupants des demeures qui se trouvent au-dessus d'eux, résultat des privilèges des uns par rapport aux autres, comme vous apercevez à l'horizon lointain les astres lumineux déclinant à l'est et à l'ouest. Ô messager d'Allah, interrogèrent les compagnons, ce sont là les demeures des prophètes que nul autre ne pourra atteindre? Non, leur répondit-il, alayhi salatu wassalam. Par celui qui tient mon âme dans sa main, elles sont réservées à des gens qui ont simplement cru en Allah et au messager. Al-Bukhari et Muslim. 1888. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, la place qu'occuperait un arc au paradis est préférable aux richesses de ce monde. Littéralement, à ce sur quoi se lève et se couche le soleil. Al-Bukhari et Muslim. 1889. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, il y a au paradis un marché où les gens se rassembleront chaque vendredi. Le vent du nord se lèvera alors et soufflera sur leurs visages et leurs vêtements, ajoutant ainsi à leur charme et leur beauté. Ils retourneront alors auprès de leurs épouses, devenues elles aussi encore plus belles, qui leur diront, par Allah, vous êtes plus beaux qu'auparavant. Ils répondront, Par Allah, vous aussi vous avez embelli. Muslim. 1890. Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Les gens du paradis apercevront les demeures au-dessus d'eux, au paradis, comme vous apercevez les astres dans le ciel. » Al-Bukhari et Muslim. 1891. Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, a dit « J'ai assisté à l'une des assemblées du prophète, alayhi salatu wassalam, au cours de laquelle il nous a décrit le paradis. Il a notamment déclaré à la fin de son discours « Il y a au paradis ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun être n'a jamais imaginé. » Ensuite, il récita ces versets. « Tatajafa junubuhum anil mazaji yad'ouna rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqoun. » Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. Sourate 32, versets 16 et 17. Al-Bukhari. 1892. D'après Abu Sa'id et Abu Huraira, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque les habitants du paradis y entreront, un héros les interpellera. Vous vivrez éternellement, sans jamais mourir. Vous serez en bonne santé, sans jamais tomber malade. Vous resterez jeune, sans jamais connaître la décrépitude, et vous jouirez du bonheur sans jamais être exposé au malheur. » Muslim. 1893. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui occupe le rang le plus bas au paradis s'entendra dire « Formule tes souhaits ». Lorsqu'il aura formulé tous ses souhaits, on lui dira « As-tu d'autres désirs ?» Non, répondra-t-il. Alors, tu recevras deux fois ce que tu as désiré. Lui annoncera-t-on. Muslim. 1894. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah Ta'ala dira aux gens du paradis, « Ô gens du paradis, nous voici à tes ordres, Seigneur, tout le bien est entre tes mains. Êtes-vous satisfaits ? » leur demandera-t-il. « Comment ne pas l'être, ô Seigneur ? » répondront-ils. Alors que tu nous as donné ce que nul parmi tes créatures n'a reçu. Désirez-vous mieux que cela, dira-t-il. Ô notre Seigneur, s'étonneront-ils, qu'y a-t-il de mieux que cela? Je vous comblerai de mon agrément et vous épargnerai mon courroux pour toujours. Al-Bukhari et Muslim. 1895. Jarir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, rapporte. Nous étions en compagnie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il regarda la pleine lune en s'adressant à nous en ces termes. « Vous verrez, assurément, votre Seigneur de vos propres yeux, comme vous voyez cette lune, sans aucune difficulté et sans vous gêner les uns les autres. » Al-Bukhari et Muslim. 1896. D'après Suhaib, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque les gens du paradis y entreront, Allah Ta'ala leur dira « Désirez-vous autre chose ?» Ils répondront « N'as-tu pas rendu nos visages blancs ? Ne nous as-tu pas accordé le paradis et sauvé de l'enfer ?» Allah enlèvera alors le voile, et rien ne leur paraîtra plus merveilleux que la contemplation de leur Seigneur. Muslim. Allah Ta'ala dit إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera de par leur foi. À leurs pieds couleront les ruisseaux dans les jardins des délices. Là, leur invocation sera « Gloire à toi, ô Allah !» et leur salutation « Salam !» Et la fin de leur invocation, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 10, versets 9 et 10. Louange à Allah, qui nous a guidés dans notre tâche, car nous nous serions égarés sans lui. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Abraham et sur la famille d'Abraham. Et bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham, tu es digne de louange et de glorification. L'auteur Yahya an-Nawawi, qu'Allah lui pardonne, a dit « J'ai achevé cet ouvrage le lundi 4 du mois de Ramadan de l'an 670 de l'Hégire. »